La tête au carré, du lundi au vendredi sur France Inter, à partir de 14h. C'est une discipline récente au sein de l'archéologie qui s'intéresse à l'étude des maladies du passé et aux corps différents. Pendant très longtemps, la question du handicap dans les sociétés du passé, justement, a été ignorée. Et pourtant, les fouilles à ce sujet permettent aujourd'hui de révéler le quotidien d'un individu handicapé pour comprendre comment ces personnes étaient prises en charge par leur entourage. Étaient-elles rejetées, soignées, accompagnées ou appareillées? Eh bien, c'est ce que nous allons découvrir avec mes deux invités, dont les travaux apportent un éclairage sur ces questions. L'archéologie du handicap, c'est donc dans un instant dans le dossier de la tête au carré. Attention, l'émission étant enregistrée, nous ne pourrons pas recevoir vos messages en direct comme tous les jours. Héloïse Rambert, bonjour. Bonjour Mathieu. Aujourd'hui à la une de la science, une possible innovation dans les médicaments antidouleurs. Oui, aujourd'hui on va parler d'un nanomédicament qui a déjà fait ses preuves chez l'animal et qui pourrait peut-être à terme offrir une alternative à la morphine chez l'humain. Fanny Boyon réalise cette émission qui a été préparée aujourd'hui par Lucie Sarfati. La tête au carré. Magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard. L'archéologie du handicap, dossier donc dans un instant de l'émission avec mes invités que je salue et qui sont archéo-anthropologues, Valérie Delattre et Rosane Colletter. Bonjour à vous deux. Bonjour. Et bienvenue Valérie Delattre, vous êtes spécialiste des pratiques funéraires et culturelles sur une période qui s'étend... De la proto-histoire jusqu'à la fin du Moyen-Âge. Oui, c'est quand la proto-histoire exactement? Ça commence au début de l'âge du bronze. Oui. 3000 ans avant Jésus-Christ et jusqu'au 14-15e siècle. Donc vaste période, effectivement. Et vous vaste envolée. Vous êtes également très investi dans le domaine du handicap. C'est d'ailleurs par cette implication que vous avez commencé à vous intéresser à ces travaux. Hein. Tout à fait. J'ai rencontré un champion paralympique qui est un militant associatif et qui, intrigué par la discipline que je pratiquais, pour lui je déterrais les morts pour... les faire parler, m'a demandé, et pour les gens comme moi, c'était comment avant. Avant, c'était une espèce d'indéfini temporel. Il m'a lancé un défi que j'ai relevé et que j'ai tenté de mettre en application avec des collègues pour arriver à travailler sur cet aspect particulier de l'histoire de l'homme, c'est-à-dire les comportements que tous les hommes ont pu déployer à l'égard des gens qui leur étaient différents. Toutes les sociétés, comment ont-elles accueilli les personnes non autonomes, les plus vulnérables, les handicapés, les invalides, les infirmes. Et le nom de cette personne, c'est Riyad Salem. Riyad Salem. Hein, qui est champion paralympique, voilà, justement. Est donc c'est lui qui a impulsé finalement cette découverte. Tout à fait. Hein, cette découverte c'est sa curiosité. Sa curiosité et un pari lancé et pari tenu. Et c'est une discipline qui n'existait pas vraiment auparavant. Alors, c'est une discipline qui est inscrite au cœur de la paléopathologie, discipline qui est née au début du XXe siècle. Qui travaillent sur les maladies du passé. Donc, on fait souvent appel à des médecins qui font des diagnostics rétrospectifs. Hein. Nos patients sont très, très muets. Donc, on est tenu de les faire parler. De les faire parler comme on peut. Et la paléopathologie, ça a souvent été une course au plus ancien. Le plus ancien cas de choléra, le plus ancien cas de lèpre, de peste, etc. Et c'est de façon très récente qu'on a commencé à travailler sur la prévalence de certaines maladies, sur des cas bien spécifiques, adaptés à certaines périodes. Et forcément, au sein de la paléopathologie, on est venu à s'intéresser au handicap. On donnera évidemment de nombreux exemples avec vous dans un instant pour comprendre comment justement ces personnes vivaient, étaient prises en charge. Rosane Colletter, vous êtes spécialiste d'archéologie funéraire. Alors, qu'est-ce que vous étudiez, vous, exactement? Moi, je travaille un peu comme Valérie, donc en archéologie préventive. Donc, nous, on travaille avant l'aménagement des travaux. Donc, on ne choisit pas forcément les périodes ou les types de restes sur lesquels on va travailler. Donc, c'est un peu... tous les jours, un coup de chance ou pas. Je travaille sur des périodes un peu chronologiques similaires. Je travaille sur des périodes préhistoriques, mais aussi sur les périodes médiévales. En fait, les périodes médiévales, c'est là qu'on a aussi le plus de vestiges retrouvés en archéologie préventive. Et donc moi, après, une fois sur le terrain, on va commencer par rechercher les rites funéraires qui ont présidé... la société, comment ils ont été enterrés. Et puis après, en laboratoire, une fois qu'on a sorti ces squelettes, on va les étudier, faire un peu de paléopathologie. Donc ça, on est aidé par des personnes qui sont plus compétentes que nous, parce qu'on ne peut pas faire toutes ces disciplines. Mais on va travailler sur la démographie, l'âge au décès. On essaie de faire une carte d'identité un peu archéologique de tous ces sujets pour essayer de reconstituer en fait ces vivants, ces anciens vivants. Voilà, donc l'idée c'est ça, c'est de faire parler ces os, hein, puisque c'est ça que vous avez en votre possession. Nous, en général, on ne retrouve vraiment que des os. Après, il est arrivé dans des conditions particulières, on peut retrouver des matières organiques, mais c'est en général 99% de notre travail, c'est à partir du squelette. Et là, on essaye de reconstituer tout ce qu'il y avait autour. C'est ça, puisque c'est la seule chose qui traverse les temps à peu près bien, finalement. Allez, on va se retrouver dans un instant justement pour découvrir vos travaux, cette discipline et ce qu'elle révèle du handicap au fil du temps, c'est le dossier aujourd'hui de La Tête au Carré. Aujourd'hui, à la Une de la Science, Héloïse, on va parler d'une molécule antidouleur qui, si elle tient ses promesses chez l'homme, pourrait peut-être faire baisser le nombre de prescriptions de médicaments morphiniques. Oui Mathieu, c'est une nanomolécule, plus précisément le détail a son importance parce que c'est justement le fait qu'il s'agisse d'une nanomolécule qui lui donne son efficacité antidouleur. Les chercheurs, qui sont français, ont travaillé à partir de substances naturellement produites par notre corps pour atténuer la douleur. Ils publient leurs résultats dans la revue Science Advances. Patrick Couvreur, un des co-auteurs de l'étude, est avec nous cet après-midi. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur à l'Université Paris-Saclay, membre de l'Académie des sciences. Alors déjà, pourquoi est-ce que c'est intéressant d'avoir une alternative à la morphine? Parce que ça marche plutôt bien. Eh bien, vous savez que la morphine est évidemment un médicament antidouleur qui est extrêmement important pour le traitement de la douleur, notamment inflammatoire, morphine ou dérivée de la morphine. Alors le problème, c'est que la morphine agit au niveau central, c'est directement au niveau de récepteurs qui sont situés au niveau du cerveau. Et le problème, c'est que cette molécule et ses dérivés vont induire des effets secondaires, dont notamment la dépression respiratoire, mais plus problématique encore, ce que l'on appelle la tolérance et l'addiction. Et ça vous explique pourquoi, quand on prend de la morphine ou ses dérivés de manière relativement chronique, eh bien, on doit régulièrement augmenter les doses pour atteindre l'effet antidouleur qui est requis. Donc sur le long terme, c'est un peu une impasse, les morphiniques. Sur le long terme, ça peut être effectivement dans certains cas une impasse. Et vous savez qu'aux États-Unis, dans tous les cas, c'est un problème majeur, puisqu'on compte à peu près 11 millions de patients qui sont addicts à la morphine et à ses dérivés, ce qui est quand même relativement important, avec plus de morts par surdosage par jour que les accidents de la route, sur prescription médicale, dans un environnement médical. Alors en France, on n'en est pas encore là, mais c'est un problème qui prend de l'ampleur. Donc vous, vous êtes intéressé à une autre classe de molécules antidouleurs, expliquez-nous. Oui, parce que vous savez que naturellement, nos neurones synthétisent ce que l'on appelle des endorphines. Alors ceux qui font du sport prolongé, intensif, ressentent une certaine aisance, une meilleure résistance à la douleur, si je puis dire, après un certain temps d'effort sportif. Et en fait, ces endorphines vont faire baisser le seuil de la douleur. Et l'idée, finalement, ça a été d'utiliser ces endorphines. Alors ça, c'est pas une idée neuve, parce qu'on a essayé de traiter la douleur à l'aide d'endorphines, et notamment d'encéphaline. Malheureusement, quand vous injectez ces molécules par voie intraveineuse, eh bien, elles sont immédiatement dégradées, métabolisées en quelques minutes. Et donc, n'ont aucun effet. Et donc, nous avons notre propre pharmacie, finalement, dans le corps humain. Hein. Tout à fait. On peut les servir nous-mêmes. Tout à fait. Et ce qui est intéressant, c'est que ces molécules-là vont agir aussi sur des récepteurs aux opiacés périphériques, c'est-à-dire pas uniquement au niveau central, mais également au niveau périphérique. Et on a donc eu l'idée de protéger ces molécules pour pouvoir les administrer en faisant finalement des nanoparticules à base de squalène, en encapsulant une encéphaline qui est la leucéphaline et en démontrant donc qu'on avait une activité effectivement antidouleur extrêmement importante et prolongée. Et donc ces nanomolécules, vous les avez injectées pour le moment chez le rat. Oui. Et quel effet vous avez constaté ? Eh bien, on constate un effet qui est à peu près équivalent à celui de la morphine, mais qui est prolongé. Mais ce qui est extrêmement intéressant, c'est qu'en utilisant des antagonistes de ces récepteurs, on a pu démontrer qu'on agissait non pas au niveau central, c'est-à-dire au niveau des récepteurs cérébraux, mais qu'on agissait au niveau des récepteurs périphériques. Et donc, automatiquement, cela supprime les effets centraux, c'est-à-dire les effets d'addiction, de tolérance, et secondairement aussi de dépression respiratoire. Donc chez le rat, là, on n'a pas d'effet secondaire embêtant pour le moment. Non, et on l'a démontré parce qu'en fait, on a marqué ces nanoparticules de manière fluorescente, on les a injectées, on les a suivies dans l'organisme, et on a vu qu'elle se concentrait au niveau de la zone inflammatoire douloureuse de manière extrêmement sélective et extrêmement spécifique. Donc non seulement le médicament n'est pas dégradé, mais il cible spécifiquement Tout l'endroit qui fait mal. Comment c'est possible ? Ah, très bonne question. Alors, il cible l'endroit qui fait mal parce que quand vous avez une douleur, généralement, vous avez une réaction inflammatoire, que ce soit dans l'arthrose, que ce soit dans, malheureusement, des pathologies tumorales, une infection, vous avez toujours, souvent dans tous les cas, une réaction inflammatoire. Et quand vous avez une réaction inflammatoire, vous avez arrivée de macrophages, vous avez libération de tout un cocktail de cytokines, et donc la paroi des vaisseaux, qu'on appelle l'endothélium vasculaire, va devenir beaucoup plus perméable que la paroi des vaisseaux au niveau des organes sains. Et donc, c'est un peu comme un tuyau d'arrosage qu'on aurait percé à l'endroit où on veut arroser la plante. Vous allez avoir ce que l'on appelle une extravasation de ces nanoparticules à base de l'œuf en céphaline au niveau précisément de la douleur. Et les nanomédicaments, on en parle depuis quelques années. C'est déjà une réalité en pharmacologie ? Oui, ben, il y a quand même entre 10 et 20 spécialités sur le marché, hein, notamment principalement dans le domaine de l'oncologie, du cancer et aussi de l'imagerie. Pour donner une idée d'un ordre de grandeur pour vos auditeurs, c'est qu'un globule rouge fait 7 microns, une nanoparticule va faire entre quelques dizaines et quelques centaines de nanomètres, c'est-à-dire une taille à peu près 70 fois plus petit qu'un globule rouge. Patrick Couvreur, quand est-ce que vous allez passer à l'humain maintenant ? Parce que évidemment, le rat est très prometteur, hein, oui. Mais ça nous intéresse, nous, évidemment, en tant que bipède humain. Oui, bien sûr. Alors, bien entendu, l'idée, c'est d'arriver à faire des premiers essais cliniques. Mais avant cela, malheureusement, vous le savez, le fait de mettre un médicament sur le marché est extrêmement encadré. Mmh. On l'oublie trop souvent. Et donc, avant même de faire la première administration à l'homme, on va devoir faire ce que l'on appelle un lot clinique. Alors imaginez, quand vous allez traiter un rat qui fait 20 grammes, on va synthétiser 100 mg de ces nanoparticules de l'œuf en céphaline, et avec ça, on va pouvoir traiter des dizaines et des dizaines de rats. L'homme, lui, il pèse 70 kg pour un homme moyen, et donc vous voyez qu'il va falloir synthétiser des quantités beaucoup plus importantes, à la fois au niveau de la chimie, puisqu'on a couplé cette leu en céphaline au squalène, et au niveau de la préparation des nanoparticules. C'est ce que l'on appelle la transposition d'échelle. Et ça, nous ne pouvons pas le faire à l'université. Mmh. Ce sont des sociétés spécialisées dans ce que l'on appelle le scaling up. Et ça coûte à peu près 1 million, 1,5 million d'euros. Et ensuite, il faut qu'on fasse une toxicité préclinique réglementaire sur deux espèces animales, un rongeur, un non-rongeur. Et vous voyez que ça aussi, c'est encore plusieurs millions d'euros. C'est le temps de la recherche, hein, effectivement. Voilà. Héloïse, très vite, une dernière question. Et rapidement, on sait si ça pourrait prendre en charge des pathologies aussi lourdes que le cancer, par exemple ? Ben, dans tous les cas, la douleur cancéreuse, encore une fois, ce n'est pas le cancer qu'on va guérir, c'est clairement la douleur en oncologie quand il y a associé un processus inflammatoire. Merci beaucoup, Patrick Couvreur, pour cette découverte et donc les recherches qui vont en découler, évidemment. Merci, Héloïse, on se retrouve demain. À demain, Mathieu. Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, l'Allemagne prépare une loi pour protéger les insectes. Nos voisins prévoient de réduire l'usage des pesticides et de consacrer des fonds à la recherche sur le sujet. Nous, êtres humains, nous avons besoin des insectes, ils ont besoin d'être protégés avec une loi spécialement pour eux, a déclaré la ministre allemande de l'Environnement à la presse. Le plan d'action pour protéger les insectes prévoit un financement annuel de 100 millions d'euros, dont 25 millions consacrés à la recherche. Une interdiction d'ici 2023 du glyphosate, dont l'Union européenne a renouvelé en 2017 la licence pour 5 ans, fait aussi partie des annonces allemandes. Des scientifiques chinois ont réussi à contrôler les mouvements d'un rat cyborg à distance et rien que par la pensée. Des électrodes étaient implantées dans le cerveau du rongeur. Ces électrodes étaient reliées par une technologie sans fil à un ordinateur qui, lui, décodait les ondes cérébrales d'un pilote humain. Et donc, ces instructions au rat, grâce à un casque à électroencéphalogramme. Les chercheurs ont publié les vidéos de leur travail dans la revue Scientific Report. On peut y voir le rongeur suivre un itinéraire assez compliqué dans un petit labyrinthe. Si d'autres expériences du même type ont déjà été réalisées, c'est la première fois qu'une navigation guidée dans un environnement aussi complexe donne des résultats convaincants. Et puis une équipe internationale d'astronomes propose une carte de la matière noire qui pourrait être la plus précise à ce jour. Leur étude doit encore passer l'étape de la relecture avant d'être publiée, mais leurs premiers résultats semblent indiquer que les structures composées de matière noire évoluent à un rythme plus lent que prévu. Les scientifiques ont utilisé l'un des télescopes les plus puissants au monde et les effets de l'anti antigravitationnel produit par les masses invisibles de matière noire pour analyser leurs effets sur des millions de galaxies. L'archéologie du handicap, dossier de l'émission dans un instant. Vancouver, 1976. Véronique Sanson. La tête au carré. Des chercheurs ont reconstitué le vrai visage de Toutankhamon. Il ne ressemble pas forcément à l'image qu'on s'en faisait jusque-là. Voici l'image qu'on s'en faisait jusque-là, grâce par exemple à ce masque en or. Un jeune homme parfait, un visage aux traits fins, un symbole de puissance. Mais quand on a récupéré sa momie, on a pu l'ausculter sous toutes les coutures. On l'a radiographiée, on a fait des prélèvements ADN, on l'a dernièrement scannée entièrement. Et ce qu'on a trouvé, son vrai portrait, eh bien, c'est celui-ci. Vous voyez qu'il perd pas mal de sa superbe. En fait, le jeune pharaon était atteint de nombreux handicaps, probablement liés à des troubles génétiques. Ses parents étaient consanguins, frères et sœurs. Alors on a par exemple une mâchoire particulièrement proéminente, des hanches anormalement larges et puis ce pied beau déformé par une maladie osseuse. L'ensemble de ces fardeaux ont fait de lui un personnage fragile qui est mort à 19 ans, mais malgré son jeune âge, malgré tous ces fardeaux qu'il a eu à porter, il a été inhumé au milieu d'un trésor inestimable, signe de respect dû au plus grand pharaon. Voilà, ça c'était en 2014, une des personnes handicapées finalement les plus célèbres de l'histoire, hein, Toutankhamon, pour parler de l'archéologie du handicap cet après-midi avec mes invités qui sont donc archéo-anthropologues à l'INRAP, l'Institut National de Recherche en Archéologie Préventive, Valérie Delattre, donc vous êtes chercheuse à l'Université de Bourgogne, spécialiste des pratiques funéraires et culturelles, donc on le disait, de la proto-histoire au Moyen-Âge, et vous avez publié ce livre dont on a déjà parlé dans l'émission, on y revient plus longuement aujourd'hui, c'est Handicap, quand l'archéologie nous éclaire, c'est aux édition du Pommier avec l'INRAP et la Cité des Sciences et de l'Industrie. Puis Rosane Colter, vous êtes spécialiste d'archéologie funéraire et vous travaillez, vous, à l'INRAP de Rennes. Un mot sur Toutankhamon, parce que oui, vous le disiez, c'est l'un des plus emblématiques finalement. C'est le patient le plus célèbre qu'on puisse avoir, le plus connu et le plus abîmé, je pense, puisqu'il cumulait tout un tas de pathologies osseuses. Assez lourde, hein, finalement. Ouais, c'est ça. Il est mort très tôt, à 19 ans. Et donc, l'étude de sa momie nous a donné le panorama de quelqu'un qui devait être en souffrance. Oui, absolument. Et qui devait avoir de l'aide autour de lui, on l'imagine. Oui, quand on a retrouvé des cannes, plein de cannes dans sa tombe, et qui devait aussi bénéficier d'une assistance au quotidien. Il avait un pied beau, je pense qu'il devait avoir des chaussures spécialisées, etc. Donc, tout un aéropage de gens qui devaient s'occuper de lui, l'aider à grandir parce que sa pathologie était congénitale. Ouais. Donc, et la morale compliqué. De l'histoire, c'est que finalement, ça n'a pas été une entrave à son destin royal. Non, du tout. Il y a d'autres empereurs qui étaient aussi atteints de pathologie. Le père d'Alexandre le Grand était boiteux et borgne. Il y en a une célèbre reine mérovingienne à Saint-Denis, à Régonde, qui était atteinte de poliomyélite. Elle cumulait femme et handicapée. Ouais. Mais ça ne l'empêchait pas d'avoir un rôle extrêmement important dans le monde mérovingien. Donc, a priori, le handicap n'était pas un obstacle à des fonctions importantes. Donc, il y avait une certaine visibilité aussi, finalement, du handicap. Oui. Ce qui n'est pas forcément le cas aujourd'hui, d'ailleurs, dans les hautes fonctions politiques, par exemple. Roosevelt ne s'est jamais laissé prendre en photo en fauteuil roulant. Ouais. Jamais. Il refusait. Ouais. Et on a très peu de ministres ou de... On a quelques députés. Il y a très très peu de personnes qui sont atteintes de handicap et qui occupent des postes importants dans l'entreprise et en politique. Il y a quelques députés handicapés. Oui. Et souvent, on les cantonne dans ces rôles-là. C'est-à-dire, dans des ministères qui ont un rapport avec leur handicap. C'est ça. À la médecine. Absolument. Voilà. Comme si on pouvait pas faire autre chose. Comme s'il y avait une dévolution. Exactement. Ouais. Alors, toute cette réflexion, parce que là, on a l'air de sortir un petit peu de notre sujet, mais pas du tout, parce qu'on est au cœur, justement, de votre travail. Et ce qui a été, vous l'expliquez un petit peu tout à l'heure, finalement, à l'origine de cette discipline que vous avez quasiment inventé, en tout cas proposé un éclairage très particulier en mobilisant des scientifiques autour de vous. Tout à fait. Moi, je suis investie dans ce champ du handicap de façon très positive et constructive. C'est-à-dire, il n'y a pas d'assistanat ni de complaisance. Et j'ai voulu que mon métier, j'ai toujours travaillé un petit peu à la marge sur des pratiques funéraires un peu atypiques, soit au service d'une réflexion sociétale, c'est-à-dire considérer le passé non pas comme étant une leçon magistrale, quelque chose de pesant et poussiéreux qui nous donnerait des leçons, mais plutôt comme un éclairage qui nous permette de puiser des savoir-faire, des propositions, des comportements qu'on pourrait mettre au service de nos propres problématiques. À l'heure actuelle, on ne sait pas comment faire pour inclure des enfants à l'école. On est au 21e siècle et on s'interroge encore pour savoir comment faire une école inclusive. Je pense qu'on peut tirer tout un tas de leçons du passé et s'inspirer de comportements beaucoup plus simples, peut-être moins cérébraux, moins réfléchis. Et c'est en ce sens que notre travail sur le passé devient un message éclairant. L'empathie et la compassion faisant partie justement des choses possibles pour aider l'autre, par exemple. Et alors, vous parlez même d'une paléo-compassion, c'est ça? Tout à fait. Alors, en ce sens, on va outrepasser le seul travail de l'archéologue et aller dans la paléontologie. On peut remonter à l'aube de l'humanité, à 1 million, 1,5 million d'années. On peut même rejoindre les grands singes et les primates. Hein. Les primatologues aussi travaillent sur la compassion et la bienveillance. On a une spécialiste au Muséum d'Histoire Naturelle qui s'appelle Sabrina Krief et qui montre comment les grands singes dans les réserves savent se mettre au service d'un vulnérable du groupe. Et c'est tout à fait éclairant quand on travaille sur les premiers groupes d'hominidés, Homo erectus. L'exemple le plus manifeste, c'est l'édentement complet. À l'heure actuelle, l'OMS considère que quand on est édenté complètement, on est handicapé. C'est un problème de santé majeur et parce que ça suppose une aide à la mastication. C'est tout simple. Donc, retrouver des mandibules et des maxillaires édentés et qui datent de 1,5 million d'années, ça suppose que le groupe a pris en charge au moins ce travail de mastication préalable. Rosane Colter, ça peut faire partie justement des interprétations de vos travaux ? Quand vous découvrez justement un squelette ou un crâne en l'occurrence. Mais la question du handicap, c'est vrai que c'est une question qui est nouvelle, qu'on se pose. Et là, aujourd'hui, à l'INRAP, on est en train justement de constituer une base de données sur tous ces cas de handicap, puisqu'aujourd'hui, c'est plus un tableau de chasse où on a quelques cas comme ça, plusieurs cas qui sont inventés sur la France, mais on n'a pas vraiment une base de données complète où on sait justement les prévalences, les nombres d'occurrences. Et donc aujourd'hui, fort du livre et puis de cet engouement, les archéo-anthropologues ont envie d'aller un peu plus loin dans ce déterminisme et on essaye de monter une base de données qui soit diachronique, donc qui va partir des plus anciens sites de France et puis sur tous les territoires français, y compris les DOM. Et dans cette base de données, on va recenser les individus qui présentent des handicaps, mais pas seulement, aussi les autres. En fait, c'est pour essayer de voir justement quel âge au décès ils ont par rapport aux autres. Est-ce qu'ils sont de façon inclusive dans la nécropole ou est-ce qu'on les voit à l'extérieur? Et comme ça, on va essayer de voir si cette question du handicap, elle est la même au fil du temps et sur l'espace du territoire français. Donc autour d'un handicap, ça veut dire qu'on essaye aussi de dessiner la façon dont la société fonctionne aussi autour de ces personnes. On essaye de voir s'il y a des prothèses, on va essayer de voir un peu comment la société appréhendait ce handicap. On peut aussi travailler sur aller sur les inégalités aussi sociales, voir si on est dans des milieux particuliers. On parlait de Toutankhamon, des présidents, mais le handicap, il va plutôt toucher les populations les plus pauvres. C'est un double loi du handicap. Et donc, l'objectif, c'est vraiment essayer de replacer ces situations qui sont inhérentes à l'espèce humaine, mais voir comment, au départ, peut-être, il y avait peut-être une compassion, les gens étaient dans la société, et puis à un moment, peut-être, avec les hôpitaux, on les a exclus de la société, on les cachait, et puis aujourd'hui, on essaye d'être un peu tous ensemble. Ouais. Avec les hôpitaux ou avec les événements aussi, Valérie Delattre, finalement. C'est aussi ça, votre travail, c'est sur l'inclusion ou l'exclusion des personnes. Voilà. Pardon. L'idée, c'était de travailler à la fois sur la pathologie et sur les comportements. C'est ce que notre discipline permet. C'est-à-dire qu'on a une approche qui est ostéologique, le vestige osseux, que l'on travaille, que l'on triture, que l'on mesure, etc. Et on travaille sur des aspects culturels. Comment la personne est enterrée, son orientation, son agencement, le mobilier qui est déposé. La tombe, c'est un univers clos qu'on a ouvert à un temps précis et qu'on a fermé. Mais ça raconte une histoire. C'est comme une photographie, au fond. Tout à fait. C'est une espèce d'instantané où les vivants ont entouré leurs défunts de rituels, de préconisations, puis aussi de toute leur affection et des gestes spontanés. Donc on a cette double vision. Et la lecture de la sépulture dans la tombe, dans la nécropole, nous permet d'avoir accès à la façon dont le défunt était considéré parmi les vivants. On dit de façon un peu sans nuance que le monde des morts reflète le monde des vivants, ce qui n'est pas complètement faux. Et en essayant d'aller avec cette grille de lecture, on remonte le temps, on s'aperçoit qu'il y avait une forme d'inclusion qui était assez spontanée, une inclusion de proximité, on ne s'interrogeait pas, un tel est handicapé, il doit aller dans un institut, etc. On s'aperçoit effectivement, ce sont des anecdotes, mais que le forgeron d'un village mérovingien va fabriquer une prothèse pour son voisin qui est amputé. On va s'apercevoir que on aura trépané à l'époque néolithique au silex parce que le copain était envahi par des esprits maléfiques. Voilà, on s'aperçoit de cette espèce d'assistanat immédiat qui n'est pas réfléchi. Et à mesure où on remonte le temps, on se rend compte qu'en nommant les choses, paradoxalement, en regroupant avec cette idée de regrouper pour éduquer, on va regrouper les sourds, on va regrouper les aveugles. Ça part d'une intention qui est tout à fait louable, mais en même temps, on exclut. C'est-à-dire qu'on exclut du champ du quotidien. C'est-à-dire qu'on va avoir une société qui n'a plus de différence et qui n'a plus de vulnérabilité. les personnes différentes étant dans des endroits spécialisés qui les reçoivent. Et les hôpitaux, les asiles d'aliénés en sont les exemples manifestes. C'est ce que vous disiez, Rosette Colter, c'est-à-dire qu'à partir du moment finalement où on a eu des lieux dédiés, des institutions, la place finalement de la personne handicapée a complètement changé. Probablement. Avant, on travaillait sur cette question du handicap à partir des archives historiques aussi, des textes. L'ostéologie, enfin l'archéologie, c'est une archive qui ne ment pas. Le corps qu'on va retrouver, il va nous dire une histoire, une réalité. Après, c'est à nous d'essayer de décrypter cette réalité, de la replacer dans un contexte. Mais du coup, c'est vraiment des nouvelles archives qu'on sort tous les jours en fouille préventive. Et ça permet d'alimenter, en fait, toute cette réflexion. Et ça n'est que le début, visiblement, de cette longue histoire scientifique. Handicap, quand l'archéologie nous éclaire, c'est le dossier aujourd'hui de La Tête au Carré. Cousola, c'était Pongo à l'instant. La Tête au Carré, Mathieu Vidard. Voilà mes invités, Valérie Delattre et Rosaine Colleter, archéo-anthropologues, pour parler entre autres et en particulier de l'archéologie du handicap cet après-midi donc dans l'émission. Avec l'un des exemples que vous citez justement dans votre ouvrage, Valérie Delattre, qui s'appelle « Handicap quand l'archéologie nous éclaire hein, » avec les éditions de l'INRAP, c'est celui d'un enfant en Israël. Ça a été vraiment une découverte très importante dans cette histoire. Ah oui, dans la longue histoire du handicap, Kafzeid est un site majeur, on est en Israël, on est 100 000 ans avant notre ère, et on a découvert des tombes doubles accueillant un adulte et un enfant handicapé, et c'est là qu'on peut vraiment fonder, grâce au contexte funéraire, l'histoire du handicap et de l'accompagnement de la vulnérabilité, aussi bien dans la vie, puisque ces enfants ont vécu quand même 10-12 ans, et dans la mort, avec un au-delà qu'on ne les a pas laissés tout seuls, puisqu'on les a accompagnés d'un adulte. Alors justement, on va écouter deux de vos consoeurs, qui s'appellent Hélène Coqueniot et Anne-Marie Tillier, directrice de recherche au CNRS. C'était sur France Culture en 2014 dans le Salon Noir. Elles décrivent justement cet enfant de Kafzeid en Israël. L'enfant présente une fermeture précoce de la suture entre le frontal, l'os du front, et les os de la voûte, le pariétal, qui a perturbé le développement du crâne de cet enfant. On a pu constater qu'il avait effectivement un retard de croissance, n'est-ce pas Hélène, sur l'endocrâne ? Oui, en fait, cet enfant de 12-13 ans présente un cerveau qui correspond à celui d'un enfant de 6 ans. Notre hypothèse est que cet adolescent a eu ce traumatisme autour de l'âge de 6 ans et donc entraîné des séquelles neurocognitives chez cet enfant. En tout cas, il a été traité d'une manière très particulière, notamment au moment de son décès, puisque c'est le seul individu mis au jour dans le site qui a été inhumé, accompagné d'une offrande représentée par une partie de bois cervidé qui a été déposée en contact avec les mains étant elles-mêmes ramenées à la hauteur du visage. C'est un exemple unique pour le site, mis au jour pour cette période-là au Proche-Orient. Voilà, Valérie Delattre, un premier commentaire justement sur cette sépulture. Il y en a plusieurs d'ailleurs à Kafzeid. Hein. Alors, il y a plusieurs sépultures qui montrent des enfants atteints de pathologies handicapantes. Et celle dont parlaient mes collègues est particulièrement intéressante parce qu'en fait, elle rejoint particulièrement ce qu'on fait en archéologie funéraire, c'est-à-dire qu'on a un enfant avec une pathologie que la tomographie, toutes les sciences actuelles permettent d'identifier, c'est-à-dire il a une déficience cognitive, mais ses contemporains l'ont enterré avec des bois de cervidés. Et en archéologie funéraire, le cerf, c'est un animal qui est extrêmement important, c'est un animal psychopompe, au même titre que le chien. Psychopompe ? Psychopompe, c'est-à-dire qu'il emmène l'âme des défunts. C'est très joli, mais c'est un grand classique, un universel, qu'on aille des steppes de Sibérie jusqu'à... toujours le bois de cerf, alors ? Le cerf, le chien, ouais. Parfois le cheval, ce sont des animaux qui accompagnent et qui aident à aller dans le monde des morts. Et donc, que ce petit défaillant ait été protégé par des bois de cerf, que ses contemporains aient déposé des bois de cerf, est tout à fait révélateur. On peut le lire comme tel, c'est-à-dire que non autonome et vulnérable, il a été accompagné, au même titre que deux autres sépultures de Kafzeid ont été identifiées comme étant les deux seules tombes doubles que l'on connaisse de cette époque-là. Donc, un enfant. Un enfant déficient. L'un a une hydrocéphalie et l'autre une pathologie cognitive. Et dans la tombe, ils sont accompagnés d'un adulte dont on ne sait pas s'ils ont un lien biologique et ou social. Mais en tout cas, l'adulte veille dans la mort comme il a veillé dans la vie, bien évidemment. Donc c'est pour accompagner justement ces enfants handicapés d'accompagnement. Également dans la mort. Tout à fait. Ce serait une explication. Et ça, tout à fait. Ah oui, oui, c'est un grand classique de l'archéologie funéraire, la pratique de l'accompagnement, puis qui peut concerner des fratries, des couples. Et là, en l'occurrence, le décryptage, il est évident. Ouais. Rosaine Colleter, de votre côté, racontez-nous un petit peu l'objet de vos fouilles à Rennes, par exemple, dans un ancien couvent, celui des Jacobins. Ce sont des fouilles que vous avez exercées à quel moment exactement ? On a fouillé entre 2011 et 2012 avec une trentaine de collègues dans le couvent des Jacobins. Une des découvertes qui a fait le plus de bruit, ça a été un cercueil en plomb. On avait retrouvé une personne, Louise de Quingo, donc qui était très bien conservée. On avait pu faire justement des analyses tomographiques et on voyait qu'elle avait eu une infection pulmonaire. Elle a elle, pour m'en décéder des suites d'une infection aussi de calculs rénaux qu'elle avait. Mais sur ce couvent-là, on a fouillé plus de 800 sépultures et qui sont rattachées à des populations qui sont plus ou moins favorisées. Et à l'intérieur de tous ces groupes, en fait, donc les groupes qui sont plutôt très favorisés, qu'on retrouve dans le cœur de l'église ou dans des chapelles très particulières, ou des populations moins favorisées à l'extérieur du couvent ou des populations ecclésiastiques dans la salle capitulaire, dans chaque groupe, en fait, on retrouve des situations de handicap avec des polyarthrites rhumatoïdes, par exemple, donc des gens qui se déplacent moins bien. On a également beaucoup de cas de traumatismes qui sont mal consolidés. Et donc en parlant d'abord au début sur notre enquête, on pensait même peut-être exclure ces cas-là, puisqu'on a vraiment beaucoup de cas, donc avec une fracture de la jambe par exemple, et on voit que la fracture n'est pas réduite puisque la personne a dû continuer à travailler, on n'a pas remis les os correctement, et donc on a une déviation et un cal osseux très important qui doit entraîner en fait une boiterie tout au long de sa vie à la personne. Et en fait, c'est intéressant quand même de les recenser, puisque nous, on les voit de façon très visible. Très visible, c'est assez facile à diagnostiquer en archéoanthropologie. Ouais. Et ça nous permet de voir comment ces personnes-là, elles sont quand même dans des espaces privilégiés, pas privilégiés, mais elles font. Elles ont survécu, elles ont vécu comme ça après quoi. Elles sont pas mortes tout de suite. Alors il y a un certain nombre de pathologies donc dont on peut parler parce que les os en témoignent précisément, mais il y en a beaucoup d'autres également sur lesquelles on ne peut absolument rien savoir parce que les tissus par exemple ont tout simplement disparu. Mais oui, les os représentent une faible part en fait. Ouais. Aujourd'hui, l'OMS nous dit qu'il y a 1 personne sur 7 qui est handicapée dans le monde. Donc c'est pas quelque chose qui est rare. Bien sûr. En fait. On a l'impression, c'est vrai qu'on en voit très peu à la télévision, où on voit, qu'on parlait dans les hommes politiques. En France, il y a 10 millions de personnes qui sont handicapées. Voilà, donc on doit être sur 20%. Donc c'est quand même, c'est quelque chose qui est important. Ouais. Et nous, en archéanthropologie, on en retrouve beaucoup, en fait. Mais on en trouve peut-être tellement. Peut-être qu'on a vraiment aussi pas loin d'un individu sur 7 ou 10. Ouais. Qu'on les met de côté parce qu'on se dit... Et pourtant, on n'a que ceux où l'os est impacté. Parce c'est que une variole... la personne va vite décéder, mais par exemple, sur le couvent des Jacobins, on a un enfant qui a dû avoir la variole et qui a survécu et qui avait une grosse déficience au niveau des membres supérieurs. Donc, qui a vécu toute sa vie comme ça. Mais donc, qui a dû être aidé dans sa vie, quoi. Ouais, Valérie Delattre, ça veut dire qu'il y a quand même tout un tas de maladies qu'on ne retrouvera jamais sur ces corps, qui étaient par exemple d'ordre psychologique aussi, simplement. Toutes les déficiences intellectuelles, tous les handicaps mentaux, la surdité, la cécité nous sont inaccessibles. Auquel cas, on fait appel à d'autres disciplines, l'iconographie, etc., où les personnes handicapées sont extrêmement présentes. Suffit de se promener un peu partout dans n'importe quel musée pour voir que des mendiants de Bruegel à n'importe quel chapiteau roman qui va présenter un mendiant amputé et appareillé, le handicap est extrêmement présent dans les enluminures, sur les couvercles de sarcophages. Donc nous, on est forcément contraints au traumatisme osseux, sachant aussi qu'on a un curseur qui est bien particulier. On parlait des fractures. À l'heure actuelle, une double fracture n'est pas source de handicap, forcément. Un footballeur qui se casse le tibia et le péroné est immobilisé 3 mois et galope ensuite comme un lapin. Au Moyen-Âge, c'est source de handicap. Donc quand on travaille sur le handicap et qu'on fait des bases de données, on est obligé de contextualiser tout le temps. Ouais. C'est-à-dire que le handicap chez un paysan gaulois ne sera pas la même chose que chez un moine cistercien ou chez un guerrier de la Renaissance. Donc on est toujours obligé de prendre en compte l'état de la médecine, de la chirurgie, de l'orthopédie et de ne pas considérer toutes les classes de handicap telles qu'elles nous sont présentées à l'heure actuelle. Ouais. Mais d'ailleurs, ça laisse entendre que au cours de l'histoire, les handicaps étaient probablement même beaucoup plus présents qu'aujourd'hui parce que chaque accident pouvait entraîner un réel handicap à vie. Pouvait entraîner une gangrène, une amputation, une fracture, et chacun était handicapé en puissance. Ouais. C'est-à-dire que non seulement les pathologies liées à l'âge, la vieillesse, toutes les conditions de travail, les RPS de l'époque devaient être assez colossales, et forcément, le quotidien était rempli de ces cohortes de gens un petit peu brinque-ballants, abîmés de partout, ce qui fait qu'il y avait une accoutumance, je pense, beaucoup plus pratique et beaucoup plus bienveillante, parce que dans son entourage, on devait être concerné de fait. Rosane Colter, vous avez parlé tout à l'heure justement du statut social. Ça aussi, c'est très important au cœur de ces travaux et de ce que les pratiques funéraires peuvent nous dire aussi. C'est intéressant de voir, de croiser un peu toutes ces approches et de voir si on a des quelles sont les réponses au handicap en fonction s'il y a des différences, sont les statuts sociaux différents, quoi. Donc, c'est vraiment un croisement d'approches et de données aujourd'hui qu'on est en train d'essayer de monter, quoi. Allez, on se retrouve dans un instant pour la dernière partie de notre discussion, juste après Aurel San. Tu trouves la vodka Red Bull dégueulasse. La musique est trop forte, tu connais aucun son qui passe. Un jour tu réalises enfin un tes fantasmes, mais tu ressens comme un vide parce qu'en fait t'as trouvé ça naze. Un jour tu t'écrases et t'atterris dans la vraie vie. T'es plus vieux que ton père sur des photos de quand t'étais petit. Un jour tu te sens perdu dans les fêtes de famille. Leurs portables sont pleins de photos de gosses, toi t'as que des photos de gamines. Quand y'a plus d'alcool sur le sol que dans les verres, c'est qu'il est l'heure de rentrer. Quand y'a plus de musique et t'es tout seul sur la piste, il faut que t'arrêtes de danser. La qui c'est ce gros porc dans la glace. C'est pourquoi tu t'essouffles alors que t'as monté trois marches. Un jour ton pote traîne qu'avec ses collègues de ta AAF. Pourtant c'est le genre de connard que vous détestiez en classe. Un jour tu te rends compte que personne n'écoute tes histoires. T'étais un jeune cool, maintenant t'es plus qu'un oncle bizarre. Un jour t'as beaucoup plus de remords que désir. Et t'as passé trois mois de stress pour 30 minutes de plaisir. Quand y'a plus d'alcool sur le sol que dans les verres, c'est qu'il est l'heure de rentrer. Quand y'a plus de musique et t'es tout seul sur la piste, il faut que t'arrêtes de danser. Là. T'es censé changer des choses. Depuis quand les choses nous ont changé? On était censé rien faire comme les autres. Est-ce que tout le monde mentait? On était censé changer des choses. Depuis quand les choses nous ont changé? On était censé rien faire comme les autres. Est-ce que tout le monde mentait? La fête est finie. Aurel San. La tête au carré. Sur France Inter. Voilà, archéo-anthropologue Valérie Delattre et Rosane Colletter sont avec nous. Et puis donc toujours cet ouvrage Handicap, quand l'archéologie nous éclaire, publié aux éditions Le Pommier. Valérie Delattre, allez, quelques exemples encore, parce qu'ils nous disent beaucoup de choses sur ces sociétés anciennes, justement. Vous parlez, entre autres, d'un agriculteur chasseur néolithique et d'une amputation qui est probablement l'une des plus anciennes en France. Sans doute, oui. Ouais. On est 4700 ans avant notre ère, dans le sud de la Seine-et-Marne, et on a trouvé une très belle sépulture qui contient un homme d'âge mûr, dont l'avant-bras était amputé au silex. Les l'humérus portent des traces de d'essais de scie au silex, donc on imagine non seulement l'opération douloureuse, mais on espère qu'il y avait une pharmacopée qui allait avec. Oui, effectivement, on a parlé tout à l'heure de morphine, mais la morphine de l'époque... Là, je pense qu'il y avait des herbes et des champignons hallucinogènes pour supporter ce genre d'opération. Qui la pratiquait d'ailleurs? Alors, on ne sait pas. On imagine bien qu'il n'y avait pas un chirurgien dans le village dédié à ce type d'opération. Alors, on imagine aisément que le boucher, si tant est qu'il y en ait un, mais enfin celui qui avait l'aptitude, qui connaissait la viande, les tendons, les muscles et les os se dévouait, auparavant, on désarticulait. C'est-à-dire qu'on allait à l'articulation, mais là, on a vraiment une opération donc avec un outil, au silex, etc. Cet individu a survécu, puisqu'on voit le cal osseux sur son humérus. Mais non seulement il a survécu, ce qui suppose une convalescence longue, mais il a été enterré avec un mobilier prestigieux. Nos collègues néolithiciens nous disent que Il a une hache en schiste, une lame en silex, une carapace de tortue qui sont des mobiliers pour le coup conséquents. Mmh. Et c'est là que c'est intéressant en termes d'interprétation archéologique, parce que peut-on dire ? Est-ce qu'on a un individu de statut social important qui a conservé dans la mort les attributs de son statut social indépendamment de son handicap ? Pourquoi pas ? Mmh. Ou a-t-on un individu qu'on a voulu valoriser, accompagner dans la mort, comme c'est parfois le cas, parce que handicapé et mutilé. Et c'est là que nos grilles de lecture varient d'une sensibilité à l'autre. On a fait le check-up scientifique, et en fonction de nos sensibilités, ben, on va pouvoir donner les réponses adéquates. Alors ça, c'est quelque chose aussi, évidemment, qui est très important au cœur de ces travaux, Rosane Colletter, c'est l'interprétation, finalement, qu'on peut donner à une découverte archéologique, parce qu'il y a différentes pistes possibles à emprunter, au fond, non ? Ben, on essaye de ne pas se bloquer des interprétations. On interprète toujours en fonction de soi. Mmh. Et donc, l'ostéologie nous donne, c'est une archive qu'on va essayer de lire, nous donne une vérité. Mais après, elle n'est pas plus importante ou moins importante que la source écrite qui pourrait être à côté ou iconographique. Quand il y en a, évidemment. Quand il y en a, mais après, c'est toutes ces vérités font peut-être la vérité qu'on cherche sur notre histoire. Ouais. Mais... Donc il y a une sensibilité, ça c'est intéressant aussi que vous en parliez, parce que selon le scientifique, évidemment, on ne présente pas les choses de la même manière. Ben, selon... On se pose ou pas la question, en fait. Soit on va se poser la question en termes de prévalence, en termes de... ou alors juste en termes de description, ou alors rechercher le cas du plus vieux. Et puis après, c'est une éducation aussi, Si quelqu'un cherche ou se pose une question, après, ben, on se dit, tiens, mais c'est vrai, dans ma série, moi aussi, j'avais peut-être un sujet qui est complètement édenté et on ne s'était pas posé vraiment la question, donc on ne les regardait pas ou on ne les cherchait pas forcément non plus. Donc vous les faites revivre autrement aussi, finalement. Mais en fait, on ne trouve que ce qu'on cherche. C'est vrai qu'il faut aussi avoir l'œil et puis chercher. Puis c'est une enquête. C'est une vraie enquête. On procède beaucoup par élimination aussi. Quand on a quelque chose qu'on n'arrive pas à identifier, on élimine. Ça ne peut pas être, ça ne peut pas être, ça ne peut pas être. Comme ça, on approche probablement de ce que ça a pu être. On tutoie la vérité sans l'affirmer. Évidemment qu'on est enclin à laisser parler aussi nos sensibilités, nos entourages, nos propres gourmandises intellectuelles, etc. Ce qui n'empêche pas d'avoir une vision extrêmement scientifique, mais à la fin d'une interprétation, on peut se laisser aller. Valérie Delattre, aussi dans les exemples que vous citez, on s'aperçoit à quel point une communauté, par exemple, peut se mobiliser autour d'une personne handicapée, tout simplement pour lui construire un appareillage. Alors on a un cas magnifique qui est à Cutry, en Meurthe-et-Moselle. On est à l'époque mérovingienne, 700 ans après Jésus-Christ. Et on a trouvé une sépulture d'un homme d'âge mature qui était amputé des deux mains. Donc on imagine aisément une chute de cheval, une gangrène au niveau des articulations. Donc on a amputé les deux mains. Là peut-être non pas au silex mais avec des outils en métal, ce qui devait être tout aussi douloureux. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à côté d'un des avant-bras, on a retrouvé un appareillage prosthétique, quelque chose d'improbable auquel on ne peut pas forcément donner un nom, mais dont on imagine très bien qu'un forgeron a pris en charge sa création. C'est-à-dire que c'est une fourche plate bifide. Donc quelque chose qui a été fabriqué avec des objets en métal recyclés. Mmh. On a trouvé sur cette fourche bifide les traces de passage de lanières en cuir, donc qui permettaient d'attacher cette fourche à l'avant-bras qui restait. Et ce qui est intéressant, c'est que pour maintenir ces boucles en cuir, on a une boucle de chaussure et une boucle de ceinture. C'est-à-dire qu'on imagine aisément qu'on a mobilisé de la ferraille, du métal, des lanières en cuir, l'un a donné une boucle, l'autre une autre boucle, pour essayer de créer quelque chose qui permettait à cet homme lourdement handicapé de peut-être piquer sa nourriture avec cette fourche bifide. Et donc de lui donner une autonomie. De lui donner un minimum d'autonomie, mais au moins dans l'idée, on imagine très bien que ce village et les artisans, forgerons, spécialistes, se sont organisés pour essayer de lui apporter ce minimum d'autonomie. Mmh. Et donc c'est là où on peut voir la mise en œuvre de assistanat ou bienveillance, aide, accompagnement, on y met le mot que l'on veut, qu'un groupe est capable de faire pour l'un de ses plus vulnérables. Valérie Delattre, on va terminer cet entretien avec la voix de celui qui vous a mis justement, vous aussi, sur la voie de votre discipline. C'est Riyad Salem, donc ce champion paralympique. On l'écoute, c'était en 2017 sur France 3. Il y a des combats qui me semblent importants. Le fait de pouvoir, on voit des images de sport, de prendre du plaisir, d'avoir de la passion. Quand on est une personne handicapée, on a souvent des difficultés dans notre quotidien. Et donc, si on on peut essayer de faire reculer ces difficultés, parce que déjà le handicap, c'est pas quelque chose de facile à vivre. Donc si on peut aménager la société pour éviter que cette difficulté devienne quelque chose de redoutable, et que les gens arrivent même à un stade à ne pas avoir envie de vivre. Oui. Et donc je trouve ça vraiment dommage, parce que la vie, c'est un mystère, c'est quelque chose de magique, et donc il faut lui donner les moyens de s'exprimer. Être vivant, parce qu'on nous a opéré, parce qu'on nous a soigné, parce qu'on nous a éduqué, c'est une chose, mais l'important, c'est d'enrichir sa vie de passion, de rêve. Voilà, Riyad Salem, dans quelle discipline sportive d'ailleurs? Alors il a commencé par la natation. Oui. Basket fauteuil et rugby fauteuil. Rugby fauteuil. Oui, c'est un sport improbable qui a été créé pour les vétérans du Vietnam. On a adapté un sport hybride à leur pathologie lourde. Et donc, ça se pratique sur un terrain de basket avec les règles des gentlemen du rugby et avec un ballon de volleyball. Valérie Delatte, finalement, la morale de cette histoire, parce qu'évidemment, on évoque l'archéologie, le passé, mais c'est que ben, justement, tout est très ancré aussi dans notre présent et que ça doit nous faire réfléchir aussi sur la façon dont on inclut ou exclut aussi les personnes différentes, hein, tout simplement. Voilà. Moi, je pense que toute cette longue histoire de l'humanité nous montre que les groupes, les sociétés, quelles qu'elles soient, sont riches de leur diversité, sont riches de leur pluralité, et qu'on aurait tort de se priver de toute cette grandeur. Prendre en charge, le mot est lourd, je suis bien d'accord, c'est une responsabilité, mais ça élève l'esprit, ça rend sa dignité à l'homme, et prendre en charge les personnes non autonomes, les vulnérables, ceux qui ne sont pas capables de se gérer eux-mêmes, c'est extrêmement important pour une société, ça la grandit. Et je pense que le passé nous éclaire vraiment à ce sujet. Donc ça doit nous faire réfléchir, hein, non seulement en regardant comment les personnes vivaient il y a très longtemps, des lunettes roses, on est bien d'accord, hein, parce qu'il y a eu des moments douloureux et difficiles. Et de vraies exclusions aussi. Bien sûr, récent, hein, au siècle dernier, les nazis ont fait œuvre en ce sens. Mais toujours est-il que être simple, pas se cacher derrière des acronymes ou un panel de lois compliquées permettrait sans doute d'avoir une société accueillante et bienveillante. Merci beaucoup en tout cas à toutes les deux, Valérie Delatte, donc pour cet ouvrage Handicap, quand l'archéologie nous éclaire, c'est aux éditions Le Pommier, et Rosane Colter de l'INRAP de Rennes. Merci beaucoup d'être venue aujourd'hui dans La Tête au Carré. Voilà, c'est terminé pour cette Tête au Carré. Merci à Johanna Gabric qui était aujourd'hui à la technique. Demain, nous parlerons termites avec mes invités. Puis dans un instant, ce sera Affaires Sensibles avec Fabrice Drouel. Bonne journée et à demain.